Bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Radioactive et bienvenue dans ce mag spécial été où l'on vous embarque aujourd'hui au bord du Cher, direction Véretz. Et pour une bonne raison, la commune accueille cette année la 5e édition de la soirée estivale. Ce sera vendredi 29 août au Jardin des Îles, donc à Véretz, à partir de 18h30. Un événement festif organisé avec les communes voisines d'Azé-sur-Cher et de Larçay. Une programmation éclectique et une belle occasion de se retrouver pour finir le mois d'août en beauté. Et pour tout nous raconter, on accueille aujourd'hui Marion Simoncello, responsable culture et communication à la mairie de Véretz. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, on a hâte de tout savoir sur cette soirée estivale. Alors, pour commencer, c'est la 5e édition. Petit historique de cette manifestation, Marion. Oui, alors la soirée estivale donc, qui est co-organisée et mutualisée avec les trois communes du Sud-Cher, ça a commencé en effet vers les années 2021, tout simplement parce que chaque commune organisait déjà chacune de leur côté des événements en plein air, estivaux, plus ou moins au même moment. Et donc l'idée de mutualiser les forces s'est présentée pour pouvoir proposer un événement festif, varié au public et aux populations du Sud-Cher. Ce qui est l'occasion aussi de mutualiser les forces, en même temps de mutualiser les moyens, parce qu'on imagine tout l'agencement, tout ce que ça demande en termes de matériel, d'organisation. Donc c'est vrai que cette réunion des trois communes, elle est précieuse pour ça. Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt, toute la force de l'union, en effet, c'est qu'on peut mutualiser les moyens humains, les moyens financiers, les moyens logistiques, et ainsi, encore une fois, proposer un très bel événement en bord de Cher, puisque ce qui réunit aussi les trois communes, c'est la rivière du Cher. Les trois communes se sont construites autour de cette rivière et partagent un même patrimoine fluvial. Et puis, en même temps, voilà, les trois communes, Véretz, Azé, Larçay, partagent également, on va dire, une population qui utilise aussi tout ce qui est service, tout ce qui est association culturelle, sportive. Voilà, il y a quelque chose qui fait que, de toute manière, la population, en fait, est du Sud-Cher. Donc, c'est la 5e édition, on l'a dit, et c'est une nouvelle fois Véretz qui accueille l'événement. C'est la 2e fois. Comment ça s'organise, justement, c'est à tour de rôle ? Tout à fait. À tour de rôle, donc voilà, chaque commune accueille l'événement fin août. Cette année, c'est Véretz. L'année prochaine, c'est Larçay. Et l'année d'après, ce sera Azé-sur-Cher. Et alors, comment ça se construit, la programmation ? C'est-à-dire qu'il faut réunir les responsables des trois communes, que tout le monde se mette d'accord ? Vous parliez d'entente tout à l'heure hors antenne, mais on est vraiment là-dedans ? Tout à fait. C'est une entente. Donc, comment on organise une soirée estivale ? Eh bien, il y a un groupe de travail, un COPIL, comme on appelle ça, un comité de pilotage, qui réunit les élus culture et communication des trois communes, les DGS, et, les directeurs et agents culture communication des trois communes. Vraiment, tout le monde se réunit, tout le monde est présent. Donc, ça va au-delà d'une simple décision politique. Vraiment, les élus participent, proposent, échangent entre eux, les élus des trois communes tous ensemble. Et cet événement se construit petit à petit. Une belle construction parce qu'il y a une programmation qui est très variée cette année, qui est très sympa et qui commencera dès 18h30 pour l'arrivée du public. Et premier spectacle se fera avec la compagnie Vibrato Mécanique avec Vox Machina. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est quoi ça ? Oui, Vox Machina, c'est un spectacle tout public, un spectacle un petit peu déjanté et drôle, qui mélange un petit peu l'art de rue et le karaoké. Donc, c'est un spectacle qui est participatif. Ouais, ça fonctionne bien, ça. Oui, complètement. Je pense vraiment que les gens vont passer un très bon moment parce que, alors, ils ne sont pas obligés de chanter, mais ils peuvent, parce que pendant le spectacle, le comédien animateur, a des machineries à son service pour le spectacle, et notamment le karaoké. Les paroles sont présentées sur des grands rouleaux de papier peint qui se déroulent pendant le spectacle. C'est très visuel aussi, donc c'est très sympathique à voir et ce sera un très bon moment. Et puis évidemment en musique aussi. Parfait pour se mettre dans l'ambiance, puisque à partir de 19h, tranquillement, les gens arrivent et peuvent tout de suite profiter. Ensuite, à 20h30, c'est place à la musique avec Lynn Dallet. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Lynn Dallet ? Alors, Lynn Dallet, c'est un groupe local. C'est un duo de musique et plutôt de musique avec des airs irlandais et des chansons folk américaines. Donc ça va être tout en détente et en découverte. Et donc, comme je disais, c'est un duo. Il y a de la chanson, mais il y a aussi du violon, de la flûte traversière et de la guitare. On imagine le moment d'évasion parfait, puis alors ça tombe au moment du repas à peu près, donc ça s'y prête plutôt très bien. Complètement, hein, on est bien, on est en bord de chair, on est en train de se restaurer, et en même temps on écoute de la bonne musique. Tout est là. Eh ben c'est parfait, je propose qu'on ferme les yeux, qu'on s'imagine en bord de chair et qu'on écoute Lindalée. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion ? Ah, c'est une très bonne idée. Eh ben c'est parti. Lindalée, un duo folk qui mélange, comme le disait notre invité Marion Simoncello, qui est responsable culture et communication à la mairie de Verrettes. Un duo folk qui mélange donc musique irlandaise et américaine et que vous pourrez retrouver le vendredi 29 août, Jardin des Îles, donc en bord de Cher, à Verrettes, pour cette 5e édition de la soirée estivale. Nous étions justement en train de dérouler le programme très sympa, très éclectique. Nous en étions à peu près au moment du repas avec Lindalée qu'on vient d'écouter. Et puis après ça, 21h45, eh bien les choses tournent au spectacle de feu avec Dharma. Et oui, bah 21h45, quand le soleil commence à se coucher, là on va enflammer les Jardins des Îles, si je puis dire, avec un spectacle de feu et de petites pyrotechnies. Alors Dharma, par la compagnie Le Cercle de Feu, en effet, c'est une prestation vraiment féerique qui va éblouir tout un chacun, parce que forcément, la danse, la musique, du feu, c'est très visuel et ça embarque, tout simplement. Oui, absolument. Puis effectivement, surtout avec un décor en bord de chair, on imagine que ça double encore plus le plaisir. Et puis, la soirée se terminera après en dansant avec DJ Axel. Et oui, DJ Axel, voilà, soirée dansante. Pour bien finir, évidemment, ambiance festive, l'occasion de danser pour ceux qui veulent, sur les hits du moment, sur les classiques intemporels, Ça fonctionne bien, tout le monde peut s'amuser, c'est la fête, c'est la fin de l'été, on en profite encore. Ça aussi, c'est une recette qui ne se démode pas. Alors, en plus des spectacles, il y aura aussi les balades en futreau. Alors ça, c'est le traditionnel aussi des soirées estivales. Oui, et d'une manière générale, surtout nos événements d'été qui sont en bord de Cher, puisque les futreaux, ces traditionnels bateaux à fond plat, et qui sont proposés par l'association des mariniers du Jean-Bricot, et qu'on remercie encore de venir avec les bateaux. Et donc, en effet, quelle belle occasion de faire ces petites balades sur le Cher. C'est un vrai moment de détente, c'est une autre manière aussi de profiter de cette rivière et de voir les rives d'un autre angle, en fait, tout simplement, de voir la végétation, les habitations, se vraiment rafraîchir très joli. Un peu. Et se rafraîchir. Et c'est vraiment un très joli moment de détente, de ces balades en futreau. On est ravis de pouvoir proposer ces balades le soir de la soirée estivale. Et d'une manière générale, en fait, tout l'été sur le Cher, que ce soit de l'Arcet jusqu'à Azay, il y a toujours des balades qui se font tout l'été. Et là, je ne sais pas si c'est à l'occasion de la soirée estivale, mais c'est 1 € seulement. Oui. Pour profiter de la balade. Exactement, c'est spécialement pour la soirée estivale. Ah, c'est super. Et puis alors, après, pour tout ce qui est restauration, il y aura des food trucks qui proposeront toutes sortes de choses. Oui, ce sont des food trucks locaux et tout est, je dirais, fait main, gastronomique ou gourmand, tout simplement. Alors, on va avoir des burgers, des crêpes, sucrées salées, des frites, de la pizza aussi. Voilà, il y en aura pour tous les goûts et puis pour tout le monde. Et puis, évidemment, on aura aussi de quoi se rafraîchir. Et notamment, on a l'association des mariniers du Jambricot qui font les futros, mais ils seront aussi là pour faire une buvette. Et puis, on aura aussi Rudy's Café, pour ne pas le citer, qui propose aussi des boissons chaudes, des gourmandes. Enfin voilà, il y a plein de propositions pour tout le monde pour cette soirée, de quoi se restaurer et se rafraîchir en bord de chair, toujours. Alors ça paraît tellement évident que je ne sais même pas si on l'a dit, Marion, mais c'est évidemment en accès libre. Oui, c'est accès libre. Les spectacles sont gratuits, voilà, au Génial. Jardin des Îles. Génial. Il y a beaucoup de choses qui sont programmées en plus au mois d'août, mais beaucoup le 30. C'est bien que le vendredi, qu'il y ait une belle proposition pour cette soirée-là. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre les équipes de Véretz, d'Azé-sur-Cher et de l'Arcé qui seront réunies pour vous accueillir lors de cette soirée estivale au bord de l'eau, tranquillement, avec une ambiance musicale et des spectacles gratuits et magnifiques. Merci beaucoup, Marion, d'être venue nous en parler. Merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire pour peut-être convaincre les auditeurs qui se demandent si oui ou non ils iront ? J'ai envie de vous dire tout simplement en résumé, c'est une soirée, spectacle, musique en bord de chair. Enfin, on l'a bien répété, mais c'est vrai que c'est extrêmement agréable de pouvoir se poser en bord de chair. En plus, on va sortir les transats, ça va être formidable. Bah oui. Mais se poser en bord de chair, en transat, en écoutant de la musique, en prenant une bonne boisson gourmande et pouvoir après aller se déplacer, voir un bon spectacle, en famille aussi, puisque les enfants aussi sont les bienvenus. Donc, moi, j'ai envie de dire tout y est. Hein. Ouais, tout y est. En plus, gratuit, fin de mois d'août, on a dépensé pas mal en vacances, c'est parfait. C'est faire la fête avant le rush de la rentrée, c'est ça, très bien. C'est ça. Non, mais c'est pour ça, cette date du 29, vraiment, je pense qu'elle est assez bien choisie. Donc, rendez-vous le vendredi 29 août à partir de 18h30 au Jardin des Îles à Véretz pour la soirée estivale 2025. Vous l'aurez compris, du spectacle vivant, de la musique, du feu, des balades sur le Cher et puis de quoi se régaler. En entrée libre, donc merci encore Marion d'avoir été avec nous pour en parler et donc notez bien cette date sur vos agendas. Merci Marion. Merci. C'est la fin de ce mag que vous pourrez retrouver pour ne pas en perdre une miette sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.